Lapin était perplexe. « C'est impossible !» déclara-t-il. « L'autre côté de la Terre, c'est très très loin. Même en avion, cela ferait un très long voyage. Alors en creusant, vous n'y pensez pas. À toutes les deux, il vous faudra plus de 1000 ans pour arriver de l'autre côté. »